What? Well, so okay, okay. What? But. Bon, j'écoute ce que vous me dites. Vous me dites. Non, je me casse pas trop dans la tête. Si j'avais quelque chose à vous dire, ben j'ai qu'à parler, tu sais. Mais. Pour la comprendre, l'essence de ma fusion est basée sur le lien absolu que je vis au niveau de mon mental avec un autre monde qui me permet, sur le plan matériel, de constater à volonté ce que je veux constater. D'un peu près de même. Ou sur le plan astral. Bon, ce que je suis ici, je suis ailleurs. C'est un continuum, ça. Mais je suis moins psychique que vous autres. Comme il y en a parmi vous autres là, qui ont des l'écran mental, tout, moi j'ai pas ça. Ça, c'est une protection. Je peux pas voir ce que je sais, mais je peux savoir ce que je sais. OK? Mais je peux pas voir. On est là, Jim Steinberg, là. Hey. Éventuellement, oui. Oui, parce que ça va élever la conscience, ça va élever la conscience des cellules de l'homme à un point où l'homme va pouvoir connecter avec des plans parallèles. Mais ça, c'est ça que la fusion fera. Parce que c'est simplement un problème d'ajustement des corps. Fait qu'une fois que les corps sont ajustés à un autre niveau, à ce moment-là, l'homme va pouvoir passer facilement à un autre plan de conscience ou de contact avec les plans parallèles. Oui? C'est une différence entre le double, le doute. Si vous n'aviez pas de doute, vous passeriez à toutes les actions. Si vous n'aviez pas de doute, vous passeriez à toutes les actions. N'importe quelle action. Donc, la sensation de peur de passer à l'action, c'est le doute? C'est toujours le doute. Le doute, c'est la retenue de votre conscience par les plaies. Un homme qui n'a pas de doute, un être humain qui n'a pas de doute, serait, dans le langage des anciens, un être bienheureux. Tu sais le terme bienheureux, là? Bon, ben, un être qui n'aurait pas de doute serait, dans le langage des anciens, un être bienheureux. Parce que ne pas connaître le doute, c'est être instantanément à un niveau quelconque, dans sa propre puissance créatrice. Donc, dans son identité. Donc, dans la possibilité de conversion de ses énergies. Le doute, c'est la démesure de l'âme. Puis c'est tout connecté au libre-arbitre. Fait que le libre-arbitre de l'âme, ça vaut rien. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Mais un être qui n'a pas de doute, là, il est bien. Mais ça le dit d'ailleurs, pas de doute. Fait que, t'en as plus de barrière. Tu t'en crées pas, tu t'en laisses pas créer. Fait que c'est réellement la démesure de l'homme, le doute. Puis les anciennes, l'involution a créé le doute. A utilisé le doute. On a été très, très pénalisés par le doute. Son pendant, sa croyance. Êtes-vous capable de comprendre ça, vous autres? Êtes-vous capable de comprendre jusqu'à quel point la croyance assujettit l'ego? Êtes-vous capable de comprendre ça? Ça se perçoit-tu pour vous autres, ça? Well, que ça vous enlève de l'identité de la croyance. C'est abominable, la croyance. Mais pour la comprendre, la croyance, dans son essence, il faut avoir une conscience mentale. Parce que c'est pas au niveau des catégories psychologiques de la croyance. Mais c'est au niveau vibratoire. C'est parce, pas tellement que ça vous empêche de fonctionner, mais que ça vous met sous un rayonnement qui n'est pas le vôtre. Ça vous met sous un autre rayonnement. Juste le fait de penser en jeu, que la pensée vient de nous autres, c'est déjà en soi l'ultime croyance. Hein? Ouais. Tu crois que c'est toi qui penses. Ouais. Ouais. Ouais. Ça, c'est probablement ma plus grande contribution à l'évolution de l'humanité, ça. Ouais. Pour le moment. Pour le moment. C'est effrayant, ça. Ouais. Ça, c'est le bouleversement. Tu fais un séminaire, tu apprends ça, puis tu t'en as pour 20 ans. Ouais. Mais vous autres, vous êtes chanceux parce qu'au moins, vous l'apprenez de moi. Parce que moi, quand je l'ai appris, j'étais tout seul. Fait que j'aurais pas pu supporter ça tout seul. Ouais. Fait que ça, c'est la seule raison que j'avais une fusion instantanée. J'ai pas eu de fusion instantanée parce que je suis plus fin que vous autres. J'ai une fusion instantanée pour pouvoir supporter ça tout seul, d'abord. Ouais. Nous le donner à petite cuillère après. Ouais. Au moins, vous n'avez pas à vivre des souffrances là, abominables. Tandis que moi, si j'avais pas eu de fusion, mais je me serais suicidé, j'aurais jamais pu prendre ça. C'est dur. Pour un. À travers ta fusion, Bernard, es-tu capable de nous faire voir ou nous faire situer le fait que c'est souffrant, nous autres, de se dépersonnaliser? Nous autres, on vit des initiations à caractère planétaire, puis on essaye de faire des connexions avec les plans subtils. T'sais, on se l'explique à partir d'une instruction, mais tu n'avais rien pour te l'expliquer. Tu le vivais, puis je ne sais même pas si ça te l'expliquait. Même j'avais le contact, mais l'expliquer. Il te l'expliquait? Oui. Mais il te le faisait vivre avant? Oui, ça se fait en même temps. L'expérience avec les Doberman, là, ils te l'ont dit après. Oui, mais ils sont là pareil. Ouais. Ils sont toujours là. Le contact est toujours là. La seule chose, c'est que quand tu es en fusion instantanée, tu n'as pas de choix. Ouais. Tu n'as plus de libre arbitre. La seule différence entre ma fusion et vous autres, c'est que moi, la libre arbitre a été éliminée tout de suite. Bon. Ouais. Une fois que tu n'as pas de libre arbitre, ils ont le beau jeu en haut. Puis un jour, il faut que tu équilibres ça parce que éventuellement, il faut que tu leur prennes le contrôle. Bon, mais ça prend le temps que ça a pris. Aujourd'hui, je ne peux plus me faire chier par eux autres. T'sais, parce que les lois, je les ai compris. Ils sont contents. Le travail est fait. Mais des fois, ma femme a dit, moi, je ne vivrai plus ça, ce qu'on a vécu là. Ça, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais moi, je ne suis pas capable de dire ça. Moi, je suis obligé de dire, moi, je revivrai ça du moment que j'en arriverai au même point que je suis aujourd'hui. Je le revivrai, mais du moment que je reviens au même point que je suis aujourd'hui. Autrement dit, je voudrais pas vivre sans conscience. Je voudrais pas être exclu de toute la mécanique de la création. Moi, je veux savoir comment est-ce que ça marche, puis c'est mon droit en tant qu'être conscient qui a un certain statut universel, puis tout ça. C'est mon droit, en tant que fils de lumière, de savoir ça. Puis ça, c'était le prêt payé. Oh, oui, c'est le prêt payé, c'est ça. Puis ça va être le prêt payé pour tout le monde. À différentes échelles. Chacun a son niveau de prêt payé. Mais en termes d'intensité, là, quand on élimine l'affaire du jeu, là, il y a bien des affaires qui se passent. Ouais. On ne vit pas la vie de la même façon, puis probablement qu'on ne vit pas les événements non plus de la même façon. Ouais. Mais est-ce que c'est un gros prêt payé, ça? C'est comme si je dirais, là, on a vécu pendant des milliers d'années, là, puis réellement avec la queue entre les deux jambes, des vrais sans dessin. Puis là, en tant qu'individu, parce que c'est tout individuel, mais en tant qu'individu, je peux dire qu'aujourd'hui, l'homme est intelligent sur la planète Terre. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Mais le temps est commencé pour que l'homme soit intelligent. Intelligent. Fait que ça, ça fait mon affaire, puis je suis content de ça. Ça, ça fait partie de tout ça. Mm. Autrement dit, vivre sous le boisseau de ta lumière, là, marche plus. C'est dans ce sens-là que je prends un cadeau. Mm. Ben, c'est un cadeau pareil. Ben, c'est un apport à l'humanité, à l'évolution, ouais, mais tu sais, mais je prends un cadeau. Quand je rencontre des médiums, là, ou des gens qui s'avancent, si je sens qu'il y a de l'orgueil chez eux, s'il n'y a pas d'orgueil, ça ne me dérange pas. Un homme qui n'a pas d'orgueil, moi, ça ne me dérange pas. Mais s'il y a de l'orgueil, je vais bien gros. Parce que avoir de l'orgueil, c'est pas comprendre ce qui se passe. Pas d'orgueil, je suis capable de faire un grand bout de chemin, mais avec des hommes qui n'ont pas d'orgueil. On peut-tu ne pas avoir d'orgueil et puis quand même être inconscient? On peut avoir une certaine humilité, mais il peut toujours en sortir de l'orgueil, parce que c'est un processus de réflexion de l'ego. T'sais. Mais pour ne pas avoir d'orgueil, là, réellement, là, fondamentalement, il faut savoir d'où ce que c'est que ça vient, cette lumière-là, cette pensée-là. Le mental, c'est quoi ça? La multidimensionnalité de l'homme. Là, tu n'as plus d'orgueil. Puis dans une fusion instantanée, il te le brûle tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que tu sautes quand ils font le contact. T'es plus gros, hein? C'est abominable comment l'homme a été manipulé sur sa planète. L'enjeu. L'enjeu, c'est la mort. Les morts veulent toujours que les vivants reviennent. C'est dit, quand tu arrives au bord en astral, ta grand-mère t'attend et ton grand-père t'attend. L'enjeu, c'est la mort. Tu sais, qu'est-ce que c'est la mort? On va t'expliquer la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est la destruction du lien cosmique entre l'âme de l'homme et les sphères qui l'ont créé. Quand tu retournes à la mort, quand tu meurs, tu t'en vas à la mort. La mort, le phénomène de la mort, le monde de la mort, le fait que ça existe, la mort, dans notre civilisation, c'est la mesure de la destruction du lien cosmique entre l'homme et sa source. Donc, la mort, c'est une anomalie. Mais c'est tellement vaste, c'est tellement, ça fait tellement partie de la conscience de nos cellules, ça fait partie tellement de nos anciens territoires oubliés, la mort. Pourquoi tu penses qu'ils nous coupent la mémoire quand on arrive ici? Si tu arrivais, si on venait au monde, puis on grandissait d'un corps, puis après un certain temps, on pourrait avoir nos vies antérieures, puis sortir, tu sais, aller fouiller dans nos archives, puis voir ce qu'on faisait dans d'autres vies, sur d'autres planètes. La mort serait très différente. Mais c'est pas ça, on arrive ici, puis la mémoire est totalement coupée. On est né dans des familles, on est né dans des pays, on est né avec des personnalités, on est né avec des archives qui sont utilisées dans l'astral pour toujours moduler notre conscience mentale, de sorte que l'homme sur la Terre, c'est pour ça que je dis l'homme c'est un mort vivant. Bon, mais pour l'être humain, tu sais, les fameuses questions que l'homme s'est toujours demandé, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, où est-ce qu'on s'en va, ça a été les trois grandes questions de l'homme, ça, pendant des siècles. Bon, mais ces trois questions-là sont une mesure de l'ingérence cosmique, évolutive, astrale contre l'homme. C'est pour ça qu'en tant qu'initié, moi, dans mon expérience, quand je dis que la conscience, c'est une force en opposition, puis vous réaliserez, l'homme réalisera au fur et à mesure où il avancera, que quand tu deviens conscient, tu en arrives à être en opposition avec tout. Au niveau des idées, là, je parle. Je parle pas être en opposition avec la société. Mmh. Je parle dans ta tête, tu en arrives à être en opposition avec toute pensée qui ne te convient pas. Fait qu'il vient un point, t'es très très bon à ça. T'es en opposition avec toute pensée qui te convient pas. Puis c'est comme ça que l'homme va les brûler, ces pensées-là, puis les brûler, puis que la reconnexion avec le plan mental se fait. Mais si l'homme apprend pas à être en opposition avec ce qui ne lui convient pas, il est fait. Puis là, vous allez dire, ben oui, mais supposons qu'on souhaite l'information qui nous fait plaisir, parce que les entités astrales sont wise. Aujourd'hui, ça vous fait plaisir, puis un jour, ils vont vous pogner les culottes à terre. Parce que la mort, ça ment toujours, in the long run. Puis mon expérience avec des morts, à travers des individus que j'ai connus au cours des années, m'a toujours démontré que les morts, faut que tu les mates. Faut que tu les mettes échec et mates. Mais tu peux pas le faire, ça, si ta propre pensée, elle vient d'eux autres. Ouais, ça. Tu connais-tu? Ouais. Si ta pensée, elle vient d'eux autres, t'es faite. Mais si ta pensée, elle vient pas d'eux autres, puis qu'elle vient du plan mental, qui est ton plan d'origine, eux autres sont faites. C'est un territoire contre un autre. Ah, c'est un territoire contre un autre territoire, puis c'est absolument extraordinaire. Vous autres, l'invisible, c'est quelque chose qui existe quelque part, mais quand tu deviens conscient, l'invisible, c'est quelque chose qui est là. C'est simplement invisible parce que c'est un autre taux vibratoire. Fait que si tu veux y aller, mais couche-toi le soir, puis sors de ton corps, vas-y sur un autre plan, puis tu vas voir que c'est là. Fait que... comme nous autres, nos sociétés, certaines sociétés, les Chinois, les Orientaux, les Indiens, nos sociétés ont tous un peu, nos sociétés ont tous un peu renforcé la présence des morts dans notre vie. Quand nos parents meurent, nos amis meurent. Ils les ont consacrés. Ils ont fait le culte des ancêtres. C'est ça, ouais. On a toute peur de faire mal aux morts. Mm. On a toute peur de faire de la peine aux morts. Puis ça, ça fait partie de la mort de nous enseigner ça. C'est nous préparer à mourir. Hein? C'est nous préparer à mourir. Ouais. Ça, c'est intéressant. Si on partira à Ahmed, ça. Attends un peu, laisse-moi finir ça. Puis la raison qu'on a peur des morts, donc qu'on convient à toute leur patente, comme le culte des ancêtres, puis tout. La raison qu'on a peur des morts, la raison qu'on a peur des morts, puis qu'on ne veut pas leur faire de peine, c'est parce qu'on pense que les morts, c'est des humains comme nous autres. Puis quand tu es un âme, quand tu sors en forme astrale, puis tu lâches ton corps physique, tu n'es plus une conscience. Donc, un mort, ce n'est pas une conscience, c'est une mémoire. Une mémoire, c'est ça. Parce qu'on pense qu'un mort, il évolue encore. Il évolue. Ouais. Mais ce n'est pas une conscience qui évolue. C'est une mémoire qui évolue. C'est quoi la différence? Une grosse différence, c'est qu'une mémoire, ça peut évoluer tout seul sans connecteur avec la source, donc sans la pensée. Mm-hmm. Pour évoluer, il faut que tu aies un connecteur. faut que tu aies la connexion. La connexion, c'est la pensée. C'est la pensée que tu peux seulement avoir quand tu es dans un corps matériel. Mm. Ça, c'est la grande jalousie des morts. Ils sont jaloux. Pourquoi est-ce que tu penses que les morts se nourrissent de l'humain, puis se nourrissent des émotions de l'homme, puis se nourrissent des pensées? Steve, on est un party pour eux autres. Pourquoi? Parce que c'est leur façon à eux autres de goûter de la pensée. Ils ne sont pas capables de goûter de la pensée tout seuls. Fait qu'ils goûtent la pensée à travers nous autres. Fait qu'imagine-toi s'ils nous en passent des petites vites. La façon que vous parlez, là, ça va faire drôle. Ça a l'air d'être plus facile de vivre comme un mort que de vivre en vivant. La façon que vous le présentez. Parce que t'es mort, tu te colles un vivant, puis tu pompes. Non. T'sais. Non, parce que les morts souffrent de ne pas avoir de sensorialité. Les morts manquent des sens. Ils vivent pas à travers un être humain. Oui, mais c'est pas pareil. C'est à travers la pensée puis l'émotion, mais c'est pas pareil. T'sais, nous autres, on a les sens. Puis ça, pour eux autres, d'ailleurs, l'affaire des sens, pourquoi est-ce que les morts aiment ça se réincarner sur la terre dans des corps physiques? C'est à cause des sens, la nourriture, le sexe, tout, là, tout ce qui fait vibrer l'être humain. Là. Fait que, moi, les morts, quand je parle de morts, que je parle à des morts, je ne parle pas à de la conscience. Je parle à des égrégores mortifiés. Je parle à des égrégores cristallisés, des mémoires. Puis ces mémoires-là, comme je sais ce que ça fait, comme je connais leur rôle sur une planète expérimentale, je peux avoir une certaine affection pour eux autres, puis je peux ne pas avoir aucune affection pour eux autres. Ça dépend de la vibration de la mémoire. Donc, si le mort a de l'orgueil, parce qu'il est orgueilleux quand il était ici, la chance que j'ai pas d'affection pour lui est très grande. Si c'est un mort qui est moins orgueilleux, puis qui est prêt à apprendre à travers ce que j'ai à y dire, là, je peux l'aider à évoluer sur son plan. Couper le contact avec la personne, puis continuer jusqu'à temps qu'il se réincarne dans une autre vie. Mais pour dépenser cette énergie-là, là, faut que je le cesse tout de suite, puis c'est instantané, je le cesse tout de suite. Un mort peut pas se cacher à moi. Quand j'ai un mort dans ma ligne de vision, il est là. Il est mort. Il est présent. Il peut pas se sauver de moi. Il est obligé d'être là. Parce que la pensée, c'est universel. Fait que je peux y parler dans ma tête, il va être obligé de répondre. Ou je peux y parler dans la tête de l'autre personne, il va être obligé de répondre. Fait qu'il est fait. Là, puis là, je peux l'écœurer tant que je veux. Jusqu'à temps qu'il lâche prise sur l'être humain. On peut-tu faire ça à distance? Ça se fait à distance, ça se fait à ses plans. Tu sais, quelqu'un qui est pris avec une entité, là, on peut-tu traiter son entité à distance? Oui, mais il faut avoir une vision. Il faut avoir une conscience vibratoire suffisamment développée pour que ça se fasse la connexion. C'est toutes des lois de connexion, Denis. Ouais. Mais j'ai pas de grande sympathie pour les morts. Parce que nous autres, quand on pense mort, on pense la mère ou le frère ou le cousin qui était ici tout à l'heure. Là. Ouais, c'est pas ça, un mort. C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'affections pour eux autres, puis ils s'en servent. Un mort, c'est un mort. C'est de la mémoire, un mort. Ça n'a pas de pensée, un mort. Puis ils nous ont fourrés depuis bien longtemps. Ils n'ont pas de pensée, mais ils nous font penser. Comment ils font ça? Parce qu'ils sont capables de communiquer avec nous autres. C'est quoi le tuyau qu'ils prennent... Le câble, la connexion. Ils prennent notre corps mental. Le corps mental, l'intellect. Ils sont capables de voir nos énergies. Ils sont capables d'interférer avec nos énergies. Ils sont capables. C'est subtil, c'est une autre place subtile. Ils travaillent avec des égrégores. Nous autres, on travaille avec des tables, des chaises. Les autres, ils ont leur propre monde. D'ailleurs, il faudra un jour qu'il y ait un gros livre écrit sur le monde de la mort. Pas que le livre des morts des Égyptiens et des Tibétains. Non. Qu'est-ce que c'est la mort? La géographie de la mort. La plénitude de la mort. Le support de la mort. C'est connecté à quoi la mort? Dans quelle région de l'homme ça se situe? Où ça se connecte avec l'homme? Y a-tu un plan de la mort qui est simplement connecté avec la Terre? Y a-tu d'autres planètes qui ont des plans de mort? Tout ça, là. Que ce soit tout ouvert. Puis, au fur et à mesure que ça va être ouvert, ça, mais à ce moment-là, l'homme, lui, va se libérer. Fait que, Ça fait partie de l'évolution de la race racine. Au cours des siècles, il y a des hommes qui vont écrire des œuvres extraordinaires, des œuvres occultes extraordinaires. Moi, je trouve une porte, là. Mm-hmm. Mais au cours des siècles, les hommes vont écrire des œuvres occultes, parce qu'ils vont avoir le contact, là, finalement. Mm-hmm. Puis les mystères, ça n'existera plus. Des siècles, ça faisait 300-400 ans. Ouais, mais quand je parle des siècles, au cours de l'évolution de la race racine, tu sais. Bernard, au début, vous avez dit que j'étais malade. Vous nous avez donné des vitamines. Ouais. Je m'en suis donné aussi. Je m'en sens un petit peu. Mais, pas d'un virus. Oui. La fusion que j'ai vécue était sous le contrôle de qui, de quoi? Ça, c'est intéressant. Je peux pas vous le dire, là, tu sais, sous le contrôle de qui ou de quoi, parce que là ça serait créer des formes, tu sais. Quand tu commences à expliquer les paramètres d'une fusion, je suis un initié, faut que tu peux le dire, mais tu peux le dire, mais tu peux le dire à des gens qui vont pas croire ce que tu vas dire. Sans ça, là, vous allez créer des cultes. L'homme crée des cultes. Fait que, pour parler du secret de ma fusion, là, faudra que je parle de ça à des gens, là, que je sais qui sont suffisamment conscients pour pas croire ce que je dis. Ouais, c'est intéressant. Mais parce que si vous croyez ce que je dis, là, vous allez créer des femmes, ces femmes-là vont servir à l'astral encore. Mais, c'est pas mal inouï, une fusion. Ça se fait voir bien des choses. C'est comme un genre de radar, hein? Ça tourne dans n'importe quelle direction tu vois. Puis ça fait partie du grand événement de la race humaine, là. Ça, c'est le nouveau cycle de l'évolution de la fusion. Les hommes iront vers la fusion. Puis c'est pas fini, la fusion. Même la mienne n'est pas finie encore. La fusion, c'est l'identité cosmique, universelle. Que tu sois sur le plan physique, astral, mental, éthérique, tu ne perds jamais ton identité. Tes sept principes sont toujours unifiés. La fusion, c'est l'homme. Tu sais, si tu te demandes, c'est quoi l'homme? Qu'est-ce qu'on fait ici? La fusion, c'est l'homme. L'homme, c'est la fusion. La fusion, c'est l'homme, comme il devrait être. Après ça, c'est une nouvelle évolution. Plus de contact avec la mémoire de la race. Tu n'appartiens plus à la race. Mais l'homme écrira de grandes choses. L'homme écrira des grands livres, des livres. Ça va être extraordinaire ce que l'homme va amener. Parce que c'est infini, ça. C'est les hommes qui vont écrire des livres, des textes, puis des études occultes. La planète, c'est un jardin d'enfance. Tu ne peux pas vivre indéfiniment dans un jardin d'enfance. Il faut que tu en sortes. Si vous gardez une position par rapport à ma personne qui est bien équilibrée, pas partir en ballonne, pour perdre votre identité, là. Je peux vous faire des bonnes conférences. Je peux m'ouvrir. Si vous partez à Valonne, mais là, je me ferme. Parce que je suis obligé de vous protéger contre vous autres. Moi, j'aime ça parler. Comme lui, ce petit homme-là qui s'en va, là. Il faut qu'il regarde la gêne. C'est toujours intelligent de la voyance de fusion. Il n'y a pas de conneries là-dedans. C'est pas un power trip, là. Pardon? Tout intelligent. Ouais. Ça vient pas de toi. Puis si t'as le passe, c'est pour aider quelqu'un à comprendre quelque chose. Puis ça marche bien. Tout intelligent. Ça change rien dans ta vie personnelle. Non, si j'ai à le retenir, oh, c'est intéressant ça. Tiens. Si je le retiens, c'est parce que dans la vibration, la retenue est là. Et déjà, c'est un package. Fait que la retenue est dedans. Comment je voudrais le dire, là, mais je serais obligé de dire, bon, mais ça sort pas, là. Fait que la retenue est dedans. Fait que si la retenue est pas dedans, mais ça sort. Si la retenue est dedans, mais ça arrête là. Est-ce que la corde d'argent a un lien avec le monde avant? Oui, parce que la corde d'argent, c'est ça qui connecte, qui vous connecte en forme astrale avec eux autres. Fait que c'est comme une ligne de pêche. Fait que quand tu sors de ton corps physique, quand tu meurs, tu sors de ton corps physique, c'est à travers le cordon d'argent que tu t'en retournes là-bas. Tandis que l'homme, quand l'homme va avoir un corps moronciel, à cause de sa conscience, il va avoir un corps moronciel, Le corps moronciel brûle le cordon d'argent. Fait que quand tu sors en conscience éthérique, c'est comme si tu rentres dans un autre plan avec la conscience que tu as ici, mais avec des yeux d'ailleurs. Non. Puis d'ailleurs, l'homme découvrira un jour comment est-ce que ça a été fait, la corde d'argent. Ça, c'est intéressant. Le cordon d'argent, là, si on le regardait au niveau de sa structure occulte, là, le cordon d'argent, il est fait de toutes les amitiés qui ont été créées pendant des milliers d'années sur la Terre entre les hommes. Donc, mort, pas mort, le cordon d'argent, c'est fait des énergies d'amitié des hommes dans leur expérience planétaire. Donc, bon, pour aller plus loin, là, quand un chum, quand un ami, là, égoïquement parlant, involutivement parlant, tu crées, tu participes, cette vibration-là participe à la création du cordon d'argent. Elle fait partie de la construction du cordon d'argent. Le cordon d'argent, il faut que tu regardes du plan astral. Là. La matière astrale qui fait le cordon d'argent, ce sont les amitiés entre les hommes. C'est pour ça qu'un initié qui est en fusion, comme moi par exemple, n'a pas d'amis. J'ai des relations, j'ai des alliances, mais je n'ai pas d'amis. Parce qu'avoir une amitié, ça implique... Puis là, je ne veux pas renverser votre concept d'amitié... Puis vous dire, mais vous pouvez pas avoir d'amis. Ce que je veux dire, c'est que dans l'amitié, il y a toujours un individu qui est supporté par un autre. Donc l'amitié planétaire, elle empêche toujours l'homme de rentrer dans son identité. Quand l'homme sera conscient, il n'y aura plus d'amis, mais il y aura des alliances. C'est ça qu'on a pu le couper. Daniel, c'est pas mon ami. Si j'avais pu le voir, Daniel, je le verrais plus. Fini. Tandis que s'il était mon ami, Daniel, mais là, j'essaierais de le voir. Puis je ne voudrais pas y faire de peine de ne pas le voir. Fait que je ne peux pas faire ça. Fait que, ce qui va plus loin que l'amitié là, à ce niveau-là, mais c'est une alliance. Fait que le cordon d'argent, il est fait des amitiés. Parce que quand vous parlez des plans, vous parlez de matière psychique. C'est ça que c'est... Est-ce que l'alliance se fait par le contact? Ouais, esprit-esprit. Et non pas âme à âme. Dans cette amitié, se fait de âme à âme. Puis ça devient bien, bien évident, un jour, qu'est-ce que c'est la différence entre l'amitié et l'alliance. C'est bien évident. Clair et net. J'imagine que quand tu as une séparation, Non, aucune. Parce que de l'amitié, quand tu perds un ami, tu perds un support. Parce que dans l'alliance, tu ne perds jamais rien. Il peut y avoir un arrêt dans un temps, mais c'est récupéré dans un autre temps. À ce moment-là, c'est l'aspect de l'intelligence. Pardon? C'est l'aspect de l'intelligence qui fait le lien entre les... C'est la vibration de l'intelligence, oui. Qui crée un attrait pour les deux êtres qui y participent. Ouais. C'est bien intéressant pour une conscience d'écouter une conscience dire quelque chose qui est conscient. À ce moment-là, est-ce que vous attirez à l'église sur une planète plus intelligente? Pardon? Est-ce que vous êtes attiré à l'église sur une planète plus intelligente? Non. Non, parce que pour aller vivre sur une planète qui serait plus intelligente, faut que l'homme ait fini son mandat sur la planète où il est. Sans ça, là, on serait tiraillé en deux, puis là, la vie serait réellement abominable. Fait qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais c'est évident qu'il va venir un point où la vie sur la Terre, dans cette civilisation-ci, va être trop limitée pour l'homme conscient. Fait qu'il va changer de plan. Bon, ben, si je n'étais pas malade, je continuerais. Oui. Oui. C'est son rôle, c'est sa fonction. Ouais. C'est contester la mort. Oui. C'est l'arrêter. Mettre un arrêt. Pardon? Ouais, mais c'est naître de nouveau, là, faites ça attention. Naître de nouveau, là. Je comprends ce que vous voulez dire, mais quand vous utilisez des mots comme ça, vous spiritualisez une dimension. Naître de nouveau, là. Faites attention à ça. L'âme demeure, mais elle perd son périsprit, il était brûlé. Tout ce qui reste, c'est le noyau, c'est le centre. Son essence, qui est en fusion avec la source. Gardez les mots quand vous parlez. Naître, même quand vous dites naître de nouveau, là, ça sent le spirituel. Il y a une petite vibration là. Fait que c'est comme ça que vous ajustez votre vocabulaire. Ajustez. Est-ce que c'est juste? Allez, un instant. Si on a l'impression qu'on ne fusionnera peut-être pas dans cette vie, mais qu'on sait qu'on est obligé de passer par la mort, je dis qu'on arrive au point où. La société et la religion nous fait dire que la mort peut être une chose à laquelle on peut se préparer, il faut l'accepter. Mais là, moi, je me dis non, je veux contester la mort. Oui, mais contester la mort, c'est pas une affaire psychologique, tu sais. Il n'y a personne qui veut mourir, oui. Contester la mort, c'est contester l'apport de la mort sur notre conscience. Fait que quand c'est fait, ça, l'homme passe à l'éthérique. Mais si vous contestez la mort, autrement dit, vous pouvez pas contester la mort puis avoir des vies toutes croches. Quand je parle de vies toutes croches, je parle d'avoir des êtres sans identité. Moi, pour moi, contester la mort, c'est facile, parce que moi, si je mourais, puis j'allais sur les plans, même en astral, avec la conscience que j'ai, je te créerais une révolution écœurante. Ça fait que c'est pas à l'avantage de personne de me faire mourir. Parce que j'ai déjà trop de conscience. Ouais, mais vous pouvez pas regarder ça comme ça. Faut que vous regardiez la vie en fonction de ce que vous êtes, puis de ce que vous pouvez être bien dans votre peau. Le reste, si vous devez mourir, vous allez mourir anyway. Puis si vous devez pas mourir, vous passerez à une autre étape d'évolution anyway. Sans ça, vous allez vous faire du sang de cochon. Je meurs-tu pas, t'sais. Puis il viendra un temps, puis ça vous empêche de vivre. Parce que mourir en soi, il n'y a rien là, t'sais. Les gens ont bien plus peur de la mort que d'autres choses, t'sais. Il n'y a rien là. C'est pas de mourir qui est le problème. C'est la mort elle-même qui est le problème. Même, j'ai même pas d'objection à ce que l'homme meure. J'ai l'objection à ce, que les, à ce qu'il va faire, mais qu'il arrive de l'autre bord. C'est ça mon problème. Mais que l'homme meure s'il doit prendre plus de temps et mourir, qu'il meure. Mais quand éventuellement, au moins, il va en arriver à sortir de ça. Mais c'est ce que les morts font. Quand ils viennent en contact avec l'homme, c'est là la lutte. Là. Il y a des bons morts, ouais. Il y a des bons morts, mais ils sont toujours limités à leur expérience. C'est ça le problème de la mort, d'ailleurs. C'est que tu as des bons morts, t'as des grands guides spirituels, mais sont limités à leur expérience. Puis l'homme doit pas être limité à l'expérience de ces entités-là. L'homme doit être dans sa fusion, c'est-à-dire il doit être dans une conscience universelle où il est capable de regarder sur les différents plans de vie, puis maintenir toujours son identité. Maintenir notre identité sur le plan matériel, c'est suffisamment difficile. Il faut que l'homme en arrive à ça pour pouvoir maintenir son identité sur les autres plans, parce que c'est là que les grands travaux de l'humanité s'exercent. C'est dans les plans parallèles que les grands travaux s'exercent. Fait que si l'homme n'est pas capable d'avoir d'identité sur le plan matériel, comment voulez-vous qu'il y ait de l'identité sur d'autres plans? Fait que c'est toute une affaire d'identité. Puis c'est tout connecté à la pensée. Comment est-ce qu'on pense? Mais faut pas que vous vous préoccupiez de ça, de la mort. Ils vont s'en charger. C'est quoi votre question? Le vide, ça fait partie de la transmutation du corps mental, puis éventuellement, ça s'ajuste. C'est parce que vous n'êtes pas habitué à vivre dans le vide, là, fait que ça vous désoriente. Éventuellement, tu es très bien dans le vide. Moi, je ne voudrais pas être dans le plein comme vous autres. Vous autres, vous avez des pensées, là. Ça serait une souffrance pour moi de penser. Fait qu'il vient un temps que tu t'habitues à ça. T'es bien dans le vide. C'est un vide plein. Mais le dénominateur commun, là, c'est d'être bien dans votre peau. C'est là. Le reste, vous allez tout comprendre ça au fur et à mesure que vous allez avancer. C'est-tu du renard, ça? C'est-tu du renard teint? C'est beau, hein? Au quoi? Au doute? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. La retenue que vous avez dans une action est toujours proportionnelle à votre doute. Fait que c'est un package, ça encore. Autrement dit, vous avez toujours la retenue que vous avez besoin d'avoir. Jusqu'à temps que vous n'en ayez plus de retenue dans l'action. Fait que le doute, c'est un mécanisme qui va vous retenir dans l'action, puis jusqu'à temps que vous en arriviez à être suffisamment centrique pour toujours être libre dans l'action de façon créatrice. À ce moment-là, le doute devient de plus en plus inexistant. Mais la vie de l'homme, l'homme vit une vie programmée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui que vous allez pouvoir faire dans 5 ans. No problem avec ça. Moi, je ne chercherai pas aujourd'hui à faire des choses que je vais faire dans 5 ans. Mais si je regarde ma vie et je veux faire ça dans 5 ans, bon ben, quand le temps va venir, je vais le faire ça dans 5 ans. Fait qu'il n'y aura pas de doute pour m'empêcher de le faire. C'est comme ça que vous voulez regarder le doute. Fait qu'en attendant, peut-être que le doute peut être utilisé pour vous regarder dans une certaine retenue d'énergie. Mais à ce moment-là, ben, ça fait déjà partie de votre conscience. Mais ça peut être le double qui veut vous retenir, oui. Ouais. Mais ça ne vous enlève pas de puissance. Ça ajuste votre timing. Vous avez simplement regardé si ça fait partie de votre faiblesse ou si ça fait simplement partie d'un autre temps. Si ça vous frustre, ça fait partie de votre, du travail qui se fait sur vos corps subtils. Ouais. Vous ne devriez pas être frustré. C'est pas le temps, c'est pas le temps. Ça, c'est intelligent que ce soit pas le temps. Non. Non. C'est bon que ça se... Probablement, si on n'avait pas de retenue d'énergie à partir du double, on se brûlerait. Parce que créativité, créativité, créativité, créativité, créativité. On a de la misère à se reposer, arrêter, prendre un break. Fait que le double, nous, retient de l'énergie. Mais ça, c'est pas du doute. C'est simplement de la retenue d'énergie. Parce que du doute, c'est psychologique, c'est par rapport à soi. Ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. C'est psychologique. C'est par rapport à des valeurs, le doute. C'est ça, des valeurs. Oui. De quoi? C'est quoi le double? Imaginez-vous que dans l'univers, il y a des mondes, des plans, qu'on pourrait appeler des plans de lumière, autrement dit, des mondes où les êtres sont simplement des êtres de lumière, ils n'ont pas de corps physique. Leur job, eux autres, c'est de rendre l'homme conscient. Comment est-ce que tu rends l'homme conscient? C'est en y parlant, c'est en communiquant avec, c'est en utilisant ce qu'on appelle la pensée. La pensée s'enregistre dans son mental, il devient conscient. Ça, c'est le, ça, c'est des doutes. Si on était des animaux, ils n'ont pas à penser, ils n'ont pas à être conscients, fait qu'ils n'ont pas de double qui connecte avec eux autres, qui leur parle. Moi, mais il n'y a personne qui parle à ma chatte dans sa tête. C'est un animal. C'est ça la différence entre un animal et un être humain. Comme on passe de l'involution à l'évolution, mais la pensée qui auparavant était totalement personnelle, elle va devenir prépersonnelle. En devenant prépersonnelle, elle va devenir de la communication télépathique au lieu d'être de la pensée réfléchie. Là, l'homme s'en va par là. OK? Bye. Ah oui.